Exercice 11, page 73. Dans l'immeuble, il n'y a que des entreprises informatiques. La jeune femme observe sa sœur, puis Oscar.